Auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, la radio libre. La radio libre, eh oui, libre depuis 40 ans. Vous vous rendez compte un peu? 40 ans de liberté, ça se fête. Alors, le programme de ce soir, eh bien, le calendrier, hein, bien sûr. Calendrier des esclavages et des libérations. Alors, les titres de... 700 000 disparus, le blob. Ensuite, Barreau chez Jean Covici, numéro 4. Génocide au Mali, un officier raconte. Direct, motion de censure, discours de Mathilde Panot. Il enquête sur les conditions de travail au Qatar. C'est un reportage qui date du 9-10-2022. Jean-Luc Mélenchon, Macron doit s'habituer à la démocratie. Eh oui, je répète, Macron doit s'habituer à la démocratie. Mathilde Panot, chômage au boulot les fainéants, journée des fusillés de 1917 dans l'Aisne, et puis une petite revue de presse. Ce sera tout pour ce soir. Bonsoir. le calendrier des esclavages et des libérations du 31 octobre. 31 octobre 1517 en Allemagne, Luther, Martin Luther, affiche les 95 thèses sur les indulgences à la porte du château de l'église de Wittenberg. Il fait le procès de l'église romaine. C'est une étincelle dans un tas de poudre. La réforme commence. 1870, France. Le peuple de Paris vient d'apprendre la capitulation de Metz et les négociations pour la paix. Les gardes nationaux demandent la déchéance du gouvernement du 4 septembre et crient « Vive la Commune !» 1920, Inde. À Bombay, fondation du Congrès panindien des syndicats. 1922, Italie. Les chemises noires défilent à Rome avec l'appui de l'armée et de l'appareil d'État. Les fascistes vont saper les bases du mouvement ouvrier et socialiste. C'était en 1922 et nous sommes en 2022. Y a-t-il des chemises noires encore dans le monde, en Europe, en Italie, en France? Hein? Vous croyez? Non. L'histoire ne se répète pas. 1958, Afrique du Sud. L'Assemblée générale de l'ONU condamne à l'apartheid par 70 voix contre 5. Condamne l'apartheid par 70 voix contre 5. Vous voyez, un mot d'une lettre, ça change le sens d'une phrase. Hein. 1961, URSS. Dans la nuit du 30 au 31 octobre, la momie de Staline est enlevé du mausolée de Lénine et du Kremlin. Le cercueil est noyé dans une coulée de béton. 1969, USA. Le président Nixon préconise la substitution du commerce à l'aide pour résoudre les problèmes de développement en Amérique latine et dans le tiers-monde. 1984, Inde. À New Delhi, Indira Gandhi, premier ministre, est assassiné par 3 Sikhs. Dans un discours officiel, la veille, elle avait déclaré « Si je meurs aujourd'hui, chaque goutte de sang versée fera grandir la nation ». Thank you. tout le monde sait que la Grande Guerre a été quand même une grande boucherie avec des millions de morts. Ce qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est qu'il y a beaucoup de corps qui sont restés sur le terrain des affrontements et qui n'ont jamais été récupérés. Alors dans des états très divers, vous avez le soldat dont le corps est pulvérisé par une explosion, ou un soldat qui a pu être inhumé à un moment, mais dont la trace physique de la tombe a été perdue parce que le marqueur en surface a disparu lors d'une explosion, a été enlevé ou le terrain a été bouleversé. Donc on ne savait pas exactement le nombre de vrais disparus. On est donc parti des statistiques les plus fiables, qui sont celles des pays du Commonwealth, puisque en fait chaque combattant dont le corps a été retrouvé, qu'il soit connu ou inconnu, a droit à une tombe individuelle. Donc à partir du nombre de morts du Commonwealth pendant la Grande Guerre, on avait donc le nombre de disparus pendant les combats. Et on l'a extrapolé au nombre de soldats des autres nations. Globalement, on peut dire qu'il y a à peu près 700 000 corps de soldats qui sont restés sur les zones de combat et qui n'ont pas de sépulture connue. Sur la question du traitement des morts, l'archéologie apporte quand même beaucoup de choses, hein. C'est sous l'angle de l'autopsie du champ de bataille. On savait qu'il y avait environ 700 000 soldats de toutes nationalités qui sont encore enfouis dans le sous-sol d'aujourd'hui. Dans quel état sont-ils encore? Quel traitement ont-ils subi? Comment sont-ils arrivés là? Comment sont-ils arrivés dans l'oubli? Pourquoi personne n'est venu les chercher pendant la guerre ou juste après-guerre? Eh bien, lorsqu'on enlève cette couverture végétale et lorsqu'on observe cette forteresse enterrée que représente ce champ de bataille, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de pratiques funéraires, en tout cas de traitements particuliers liés à tous ces soldats disparus. C'est-à-dire que ça va aller du simple soldat, entre guillemets, fauché et qui disparaît en une fraction de seconde fauché par un éclat d'obus, jusqu'à des morceaux épars laissés ça et là sur le champ de bataille, donc plus aucune connexion anatomique et pas beaucoup d'intérêt à être ramassé par les soldats. Et puis des choses un peu plus construites, entre guillemets, avec des proto-sépultures. On enterre à la va-vite dans un trou d'obus ou dans une fosse creusée rapidement un de ses camarades en pensant venir le rechercher quelques jours ou quelques semaines plus tard. Et puis le destin, on aura décidé autrement. Et jusqu'à des choses vraiment très complexes comme les grilles de Beecham, qui donnent un exemple complètement atypique sur la gestion de la mort à l'encontre des ordres donnés. Hein. Et puis des choses comme le cimetière de Boult-sur-Suippes, qui nous donne aussi un exemple incroyable sur comment les exhumateurs après-guerre vont gérer, donc les contemporains vont gérer l'ennemi, hein, puisqu'on va déplacer un cimetière allemand et on va s'apercevoir que là où on pensait avoir enlever tous les restes de corps et ne resterait que quelques bribes d'uniforme ou quelques bribes d'ossements, eh bien, la réalité est bien, bien autre, hein, avec des corps presque complets qui ont été laissés dans ces sépultures. Si on prend la Révolution française, le Premier Empire, le Second Empire et le tout début de la Première Guerre mondiale, c'est pas compliqué. Après une explication militaire, on fait des fosses communes et on inhume les corps. Au mieux, on sépare les défunts des deux camps. Parfois, c'est le cas pour le Premier Empire, ça a été le cas à Vénus, on inhume les hommes et les chevaux en même temps. Mais avec la Première Guerre mondiale, il y a une évolution des mentalités qui s'est faite, donc entre, on va dire, les guerres du Second Empire et 1914, et les familles qui vont être décimées, les villages vont être décimés par la bataille de la Marne. La bataille de la Marne, on est en septembre 1914, c'est celle qui va faire le plus de morts de tout le conflit. Les familles demandent à récupérer les corps, demandent à avoir un lieu où est enterré le père, le frère, le fils, etc. Et face à cette pression de la population, cette évolution des mentalités sur la mort, qui est une évolution de la population civile, l'armée va être bel et bien obligée de s'adapter. Et donc on a, à partir de 1915, la volonté des états-majors, là aussi autant que faire se peut, que chaque soldat ait une inhumation individuelle, provisoire dans un premier temps, et puis ensuite, à la fin de la guerre, ces petits cimetières provisoires sont regroupés dans les grandes nécropoles nationales. Mais ça, c'est les textes, encore une fois. En première ligne, on fait comme on peut. Et puis celui qui inhume aujourd'hui peut mourir demain. Et l'endroit où il a inhumé le copain la veille peut être définitivement oublié. C'est ce qui participe au fait qu'on retrouve régulièrement une toute petite partie, une infime partie de ces 670 000 soldats disparus des différents pays qui se sont battus sur le front occidental. Qui est très fort hein, chez le soldat, dans toutes les nationalités, hein, pendant la Première Guerre mondiale, c'est la peur de mourir dans l'oubli. Lorsque on regarde le champ de bataille, lorsqu'on voit des centaines de corps pourrir, on se projette forcément, on projette sa propre mort, parce que parfois il y a son propre cousin, son frère, son père, pourquoi pas, qui est à quelques mètres de là. La peur de mourir de l'oubli va amener les soldats, pour les Français, à demander à son camarade, si je meurs... Tu mettrais une bouteille de pinard à mes pieds, vide bien sûr, avec mon nom, mon adresse, afin qu'on puisse me retrouver après la guerre. D'autres vont bricoler des médailles non réglementaires qui vont se glisser dans les poches de l'uniforme ou dans le pantalon, toujours dans l'espoir de pouvoir être identifié, parce qu'ils voient très bien à quoi ressemble le destin de ces soldats qui sont abandonnés sur le champ de bataille. Et ils savent que demain, lorsque on va entendre gronder les pionnages d'artillerie qui vont annoncer que l'assaut va arriver, on sait que c'est peut-être son jour demain. Et donc cette peur, cette angoisse de mourir dans l'oubli est vraiment très très forte chez toutes, dans les deux camps. Hein, et ça c'est vraiment très fort. Thank you. Il y a quelques jours, j'ai assisté à une table ronde sur l'intelligence artificielle. Là encore, ça frétillait d'excitation devant les algorithmes qui vont permettre d'améliorer le ciblage publicitaire. Cela dit entre nous, ces algorithmes sont quand même toujours à cet instant nuls. Quand j'avais encore les réseaux sociaux, je me souviens un jour m'être insurgé contre la surconsommation de viande. Résultat, pendant 3 semaines, j'ai eu que des poules pour les bouchers de Grenoble. Parce qu'il y avait eu le mot viande. Donc l'intelligence artificielle, elle est quand même pas encore très intelligente à ce stade. Mais au-delà de l'anecdote, soyons sérieux. Les participants à cette réunion étaient conscientisés. C'étaient des gens bien. Tant qu'ils ont reconnu que les data centers de l'IA, ça consomme beaucoup et qu'il fallait verdir tout cela. Super. Vous ajouteriez sans doute, parce que vous le savez, que même en passant au solaire, il y aura quand même des effets négatifs. Parfait. Mais aucune interrogation fondamentale sur le sens de tout cela. Plus de publicité ciblée, donc plus de consommation. Bonne nouvelle ? Et de consommation inutile, hein, parce que pour ce qui est de se nourrir, on n'a pas besoin de la pub. Ça, on le sait. Bon. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Des propositions de contenu qui sont maintenant échafaudées pour maximiser le recouvrement avec ce qu'on croit déjà. Autrement dit, si vous êtes un platiste, on ne vous proposera que des vidéos qui disent que la Terre est plate, grâce à l'IA. Bonne nouvelle ? Des CV qui vont être lus par des programmes pour standardiser les profils de recrutement. Bonne nouvelle ? Une finance mondiale qui est presque entièrement aux mains de programmes dont plus personne ne sait, y compris leurs concepteurs, comment ils fonctionnent. Bonne nouvelle ? Mais honnêtement, quel manque de sérieux de notre part ? Alors bien sûr que l'IA puisse aider ici ou là au diagnostic médical et que ce soit bienvenu, c'est probable, ne le nions pas. Mais on ne peut pas faire l'économie d'une analyse de la balance globale bénéfice-risque. On ne peut pas écarter une catastrophe systémique parce qu'il y a ici ou là quelques épiphanies de sens. Résumons-nous. À mon avis, le problème, ce ne sont pas tant les émissions de gaz à effet de serre liées à la transformation de l'énergie que l'usage de cette énergie. C'est la finalité, c'est ce qu'on en fait. Aujourd'hui, nous utilisons essentiellement notre capacité d'action dans un sens qui est globalement celui de la destruction du vivant. Et j'ajouterais de la culture, de la solidarité et de l'altérité. Quand bien même l'énergie verte existerait, ce qui n'est pas le cas, je crois sincèrement que ça ne changerait pas grand-chose. L'omniprésence de la préoccupation climat est bienvenue en un sens. On a au moins réussi ça. Mais en un autre sens, c'est doublement problématique. D'une part, parce que ça donne l'impression que cette question majeure est gérée. On en parle tellement que forcément nos politiques font ce qu'il faut, ce qui n'est pas vrai. Et d'autre part, parce qu'on voit aujourd'hui des jeunes se mobiliser sous la bannière « Sauvons le climat » pour dénoncer la pollution des rivières, l'ultraviolence des abattoirs ou la prolifération des décharges. Ça n'a juste rien à voir. Rien à voir. Même si les fusées étaient sans effet sur le réchauffement climatique, ne demeureraient-elles pas, c'est une question rhétorique, des abominations symboliques ? La vie disparaît sur Terre. Et on ose se réjouir, collectivement, regarder la tête du présentateur du journal quand il parle du spatial, il est en érection, je crois, et on ose se réjouir de ces immenses structures phalliques, ça tombe bien, qui contribue à la privatisation du ciel généralisée. Cette année, vous savez qu'une Falcon 9 de SpaceX devrait lancer un satellite publicitaire. C'est une première. Mais rassurez-vous, il sera directement lié à Twitch. On évoque des dépôts de carburants spatiaux et des hôtels en orbite. J'espère sincèrement, et je le dis sans provocation, qu'aucun ingénieur ici présent ne trouvera le moyen de rendre les lanceurs plus verts, plus efficace et moins cher. Parce que même sans émissions de gaz à effet de serre, si on accélère cette folie, c'est une catastrophe. Alors je crois qu'au Shift, on pense que le nucléaire est un moindre mal, qu'il faut mieux, vaut mieux un danger potentiel à long terme, comprendre les déchets, qu'un danger certain à court terme, comprendre les émissions de CO2. Sincèrement, c'est pas idiot. Je pense que c'est une analyse dont la logique est assez implacable et qui est assez défendable. Même s'il y a quand même quelques petits soucis, hein, comme la collusion entre le nucléaire civil et militaire, par exemple, qu'il faudrait mettre également sur la table. Mais mon avis personnel est quand même un peu différent. Moi, le nucléaire, je m'en fiche. Parce que, quelle que soit l'origine de l'énergie, tant qu'elle est utilisée pour dévaster les fonds marins, pour exterminer les forêts, pour déployer le réseau routier, pour permettre un accès touristique aux rares espaces non artificialisés, pour instrumentaliser les cours d'eau avec des barrages qui exterminent 90% des poissons, c'est ça, hein, la cause de la chute des poissons, la cause cardinale de la chute des poissons, finalement, l'origine de l'énergie, c'est une question secondaire. Il y a quelques jours, on m'a invité dans la montagne pour défendre une zone rurale. On discutait avec des paysans. Et ce qui apparaissait, c'est que la véritable catastrophe, ce n'est pas tant qu'il y a moins de neige à cause du réchauffement climatique que le fait que les villages ont été transformés en stations. C'est ça, le malheur. Que la beauté du lieu, froide, toujours un peu inquiétante, entre altérité et complicité, ce qui forme peut-être la spécificité de la montagne, a été sacrifiée sur l'autel du dieu unique de la glisse. On a construit des cités fantômes, avec 150 habitants et 35 000 lits, au cœur de ce qui aurait dû demeurer un peu inaccessible, en oubliant que c'était ça d'ailleurs, la véritable richesse du lieu, avec ou sans émissions de CO2. Il n'est plus question maintenant que de consommer de la montagne. Alors dans un monde qui est ainsi transformé en parc d'attractions, franchement, la nature de l'énergie utilisée pour multiplier ad nauseam les remontées mécaniques, je pense que ce n'est pas notre premier problème. Si nous gagnons cette guerre contre la vie, nous l'aurons perdue. Alors sur le site de cet événement, j'ai lu que le Shift Project est un think tank qui travaille avec les entreprises pour une économie libérée de la contrainte carbone. Heureusement, je sais qu'en vérité, vous êtes beaucoup plus malin que ça. Parce que si vous réussissiez, ça serait quand même une très mauvaise nouvelle. Ôter des contraintes, quelles qu'elles soient, au délire économique actuel, même sans réchauffement climatique, je crois que ça ne peut que précipiter la chute. Si on ne change pas l'objectif, le moyen par lequel on parvient de toute façon à un monde stérile n'est plus la question essentielle. Imaginez un instant que la fusion nucléaire fonctionne, qu'on dispose d'une source d'énergie essentiellement propre et essentiellement infinie. Ben, je crois que là, ça serait vraiment la fin. Ça serait vraiment la fin, parce que sans une révolution axiologique, nous utiliserions cette énergie, comme on le fait en ce moment, pour la même chose. Pour faire essentiellement des routes, des télésièges, des fusées, des avions, des centres de loisirs et des parcs de réalité virtuelle, et ces répugnants navires de croisière et yachts ridicules qui fleurissent comme jamais. Nous aurions juste, en réalité, décuplé notre pouvoir de destruction. Je sais bien que toute l'énergie n'est pas utilisée pour ça. Mais on parle de ce qui pose problème. Donc la situation actuelle, elle est intenable. Vous le savez, on peut le voir de multiples façons. Par exemple, en notant, comme le Club de Rome, que la courbe des prélèvements est au-dessus de celle des ressources écosystémiques, ce qui, par définition, ne peut pas durer longtemps. Par exemple, en comprenant que les seuils de relaxation sont largement dépassés dans de nombreux domaines. Par exemple, en notant, et ça a été rappelé ce matin, qu'un certain nombre de points dits de non-retour sont déjà atteints et plus vite que prévu, par exemple, en soulignant cette évidence, les stocks d'énergie, et en particulier fossiles, s'épuisent, par exemple, en remarquant que les conditions d'habitabilité de cette planète sont en passe d'être détruites, par exemple, en rappelant qu'une rétroaction positive, comme c'est aujourd'hui essentiellement le cas, c'est ce qu'on nomme en physique une instabilité. Bon. Tout cela relève de la bonne logique scientifique, la plus élémentaire. Mais ce que j'aimerais ajouter, face à cet implacable constat, c'est que la situation est pire encore. Parce que, quand bien même tout cela s'avérerait tenable, ce qui n'est pas le cas, j'y insiste, mais quand bien même ce serait tenable, je crois que ça ne serait pas souhaitable. C'est donc une double raison qui devrait en réalité nous enjoindre à faire une révolution dans notre manière d'habiter l'espace. Alors pourquoi je dis, et c'est un parti pris naturellement, c'est un engagement, ce que je disais en introduction, que la direction actuelle n'est pas désirable? D'abord, il faut absolument ne pas confondre le souhaitable et le durable. Ça n'a rien à voir, c'est une faute catégorielle. À l'échelle de l'histoire, les régimes politiques les plus durables ont bien souvent été les plus brutaux. les croyances les plus pérennes ont bien souvent été les plus farfelues. Que quelque chose puisse perdurer ne signifie pas du tout qu'elle soit éthiquement, esthétiquement ou épistémologiquement louable. Soyons explicites, les 1 000 milliards d'animaux que nous tuons chaque année, souvent dans des conditions épouvantables et souvent en les ayant privés de vie préalable, ce qui est pire encore, ne vaudrait-il rien si on les remplaçait par autant de naissances chaque année? Ou pour parler de nous, puisque nous sommes toujours très anthropocentrés, les 800 000 personnes qui décèdent prématurément de la pollution en Europe chaque année seraient-elles insignifiantes si on les remplaçait par autant de naissances dans un système pérenne? Ça n'a aucun sens. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la Terre dans un wagon doré. Tout autour de la Terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon. Et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler, rouler derrière l'hiver, et on l'a écrasé, la maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués. C'était lui le garde-barrière et il nous a bien remercié. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied. À pied tout autour de la terre, à pied tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles, à pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile. Le problème, c'est que c'est ce pouvoir qui commettait le génocide. Voilà. Donc nous sommes entrés du côté des génocidaires. Et moi, ma première mission, qui était ma spécialité à l'époque, c'était de guider les frappes aériennes sur le terrain. Parce que pour que des frappes aériennes fonctionnent, il faut qu'en fait, il y ait une équipe très très proche des cibles. Et donc j'avais été intégré dans une unité de combat de la Légion étrangère, et l'ordre préparatoire que nous avions reçu, c'était de mener un raid terrestre sur Kigali pour reprendre la capitale du Rwanda et remettre en place le gouvernement de l'époque, en faisant totalement abstraction du fait que ce régime était génocidaire. Et ça a changé au cours, en une semaine pratiquement. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que pendant la première semaine, clairement, nous avions cette intention de nous battre contre les ennemis des génocidaires. Ce qui est complètement effarant, c'est que, comme vous le soulignez tout à l'heure, c'est le dernier génocide du XXe siècle. Le seul qu'on aurait pu éviter. Et on a réussi à rentrer du côté des génocidaires. On essaye de les remettre au pouvoir, et assez tard dans l'opération, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, on arrête enfin ces actions offensives contre le FPR, au moment où elles vont se déclencher. Je suis absolument persuadé que c'est parce que l'Élysée, à ce moment-là seulement, a pris peur que la France soit condamnée pour complicité de génocide. Mais on a fait quelque chose de terrible. C'est qu'on a créé une zone humanitaire sûre, qui n'a été sûre que pour les génocidaires, et qui a permis aux génocidaires de repartir se réfugier tranquillement au Zaïre. Ça, ça a été la deuxième période de notre opération. Et la troisième, inacceptable, c'est que nous avons livré des armes aux génocidaires dans des camps de réfugiés au Zaïre, alors que nous étions sous embargo de l'ONU. Alors, vous l'expliquez très bien, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, et je le répète, l'opération turquoise, il y a eu un aspect humanitaire, mais il y a eu aussi ces épisodes sombres. Vous parlez donc du fait que des génocidaires hutus ont pu fuir vers le Zaïre. Vous dites même, on a protégé leur fuite. Et puis, vous revenez sur cette livraison d'armes. Comment vous l'avez su ? En fait, je l'ai su parce qu'on m'a demandé de détourner l'attention des journalistes qui étaient présents sur la base à Cyangugu, dans le sud du Rwanda, au moment où ce convoi d'une dizaine de camions devait partir. Et c'est en me demandant de détourner l'attention des journalistes que j'ai compris que c'était un convoi d'armes. Et le soir, au débriefing, j'ai été effaré des arguments qu'on nous a servis pour justifier cette livraison d'armes, qui était en gros, il faut donner des signes d'apaisement aux soldats du gouvernement, parce que sinon, ils pourraient se retourner contre nous. Comme si, en réarmant des soldats, on les rendait moins dangereux. Je souligne quand même une chose, c'est que dans toutes ces actions, et dans mon témoignage, en aucun cas je ne mets en cause mes compagnons d'armes. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient de manière très professionnelle. Alors justement, vous le dites, certains officiers ont contacté le plus haut sommet de l'État, ont essayé de faire passer le message que ce n'était pas une bonne idée de livrer des armes à de potentiels génocidaires dans ces camps, au Zaïre, l'actuelle RDC. Quelle a été la réponse à ce moment-là ? J'ai des camarades plus courageux que moi qui ont refusé d'appliquer cette directive et se sont fait tacler par l'Élysée. C'est-à-dire que le sujet est remonté jusqu'à l'Élysée, parce que c'est l'Élysée qui décide en France de ces opérations. Nous étions en gouvernement de cohabitation, donc il y avait forcément une collision avec une partie du gouvernement de cohabitation. Et ces ordres ont été confirmés par l'Élysée, continuer à livrer des armes dans les camps de réfugiés, en allant contre la plus évidente éthique des officiers français. Enfin, je veux dire, ce qu'on a fait est totalement inacceptable. Et ce qui est inouï, c'est que non seulement on l'a fait, mais en plus, ces décideurs politiques le cachent depuis un quart de siècle. Donc, ils s'autorisent à le refaire et surtout, ils évitent d'avoir le moindre compte à rendre sur le sujet puisque nous n'avons pas le droit d'accéder aux archives d'une opération qui, je le rappelle, a été présentée comme humanitaire. Dans votre livre, vous revenez également sur la tragique histoire de Bicécéro. Bicécéro est emblématique de l'intervention au Rwanda. Mes camarades des forces spéciales débarquent et sont en mission de reconnaissance. Et ils trouvent des rescapés qui ont échappé de justesse au génocide, qui sont poursuivis en permanence par les forces gouvernementales, l'armée, les gendarmes et les milices, qui d'ailleurs sont, à mon avis, à peu près les mêmes en permanence. Et on leur donne l'ordre de ne pas s'en occuper. Parce que la vraie mission de Turquoise à ce moment-là, c'est uniquement de stopper les ennemis des génocidaires, le FPR. Donc mes camarades sont obligés de les laisser, poursuivis par leurs massacreurs, et de continuer à aller chercher les ennemis des génocidaires. C'est-à-dire que dans cette position-là, on s'est mis en complicité du génocide, et surtout, on a vu le génocide sous nos yeux. Mes camarades ont vu les soldats gouvernementaux et les gendarmes poursuivre ces rescapés, qui étaient dans un état absolument lamentable, alors qu'on leur avait dit que c'était des espions du FPR. Vous vous rendez compte, cette confusion qui a été entretenue en permanence pour que les unités sur le terrain continuent à accepter cette mission. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Ils sont quand même intervenus, ces militaires. Un de mes compagnons d'armes a décidé, sans le dire, de désobéir. Ils sont revenus sur la zone où on leur avait interdit de se rendre. Et là, ils ont fait en sorte qu'il y ait suffisamment de journalistes et de moyens de communication pour que le monde entier le sache. Du coup, le commandement a été obligé de réquisitionner toutes les équipes des forces spéciales pour s'occuper enfin des réfugiés, avec 3 jours de retard. Mais ce qui est dramatique, c'est que l'unité de combat dans laquelle j'étais, qui aurait pu être mobilisée, puisqu'à ce moment-là, nous sommes à côté du PC des forces spéciales. Nous sommes mobilisés dans la nuit du 30 juin au 1er juillet pour la mission principale, c'est-à-dire aller stopper le FPR. Et on nous envoie tendre une embuscade aux soldats du FPR et préparer des frappes aériennes, qui est mon job, parce que notre mission à ce moment-là, c'est de se battre contre les soldats du FPR, qui, je le rappelle, sont juste les ennemis des génocidaires. C'est-à-dire qu'on se met dans cette situation, non pas de participer au génocide, aucune unité française n'a participé au génocide, mais on se met dans une situation qui ressemble étrangement à une complicité de génocide. Justement, pour vous, la France est-elle complice de génocide et quel est le degré de complicité ? Ça n'est pas à moi de le déterminer. Ce que je raconte simplement dans mon livre, qui est un témoignage très factuel et très partiel, c'est que ce que nous avons fait est susceptible d'être qualifié de complicité de génocide. Je le répète, pas de participation au génocide, de complicité de génocide. Et ça, c'est inacceptable parce que Nous avons été obligés de le faire parce qu'on nous a donné les ordres de le faire. Donc c'est vers les décideurs politiques de l'époque qu'il faut se tourner et leur demander des explications sur les raisons pour lesquelles ils ont pris de telles décisions. Avez-vous des regrets ? Je vais vous dire, mon regret le plus important, c'est que d'abord c'est le seul génocide qu'on aurait pu éviter. J'aurais aimé me battre contre les génocidaires. Ça m'aurait fait vraiment plaisir et je pense que mes compagnons d'armes auraient adoré. Et la deuxième chose, c'est de ne pas avoir été assez rapide pour sensibiliser les Français au fait qu'ils devaient avoir accès à ces archives pour qu'on puisse enfin savoir ce qui s'est passé réellement pendant cette opération. Je n'ai qu'une toute petite pièce du puzzle, mais elle est incompatible avec la version officielle. Et moi, ce que je voudrais, c'est que maintenant, on ait le courage de regarder la réalité en face et de reconnaître nos erreurs si on en a commises, et j'en ai bien peur. Quel serait votre message aux jeunes officiers français qui se retrouveraient aujourd'hui dans la même situation que vous il y a 24 ans ? La responsabilité d'un officier, c'est de savoir dire non quand c'est nécessaire. Vous parliez tout à l'heure de désobéissance en parlant de Bicécéro. Oui, ces officiers même si officiellement, ces officiers se sont perdus. Hein. Bien c'est sûr. La version officielle. Ils se sont perdus, c'était juste des spécialistes de l'orientation. Au même titre que certains de mes camarades ont refusé d'obéir à la directive de livraison d'armes. Voilà, je pense que eux font honneur à l'armée française, mais encore une fois, ça n'est absolument pas un réquisitoire contre mes compagnons d'armes, c'est une interrogation démocratique sur ce qu'il s'est passé et sur la manière dont aujourd'hui en France, on contrôle les opérations menées au nom de la France, mais dont les Français n'ont pas à connaître. Qu'attendez-vous aujourd'hui du nouveau chef de l'État, Emmanuel Macron ? Je crois savoir que votre livre lui a été transmis. Qu'attendez-vous de lui aujourd'hui ? Ce que j'espère, ce que nous espérons tous, c'est qu'il aura le courage, parce qu'il faut énormément de courage pour le faire, d'ouvrir les archives et de laisser les Français juger par eux-mêmes de ce qui s'est passé dans une opération menée en leur nom. Ça nous permettrait aussi d'honorer la mémoire du million de victimes que nous n'avons pas su empêcher. Dernière question, vous vous avez dit dans une interview... Je ne suis pas un lanceur d'alerte, je suis un empêcheur de transgresser. Oui, c'est vrai. Je n'aime pas qu'on me présente comme un transgresseur. Moi, je n'ai pas transgressé de règles en parlant de ce sujet. Au contraire, je refuse qu'on transgresse les règles et les codes de la démocratie. Je veux que ce soit les Français qui jugent de ce qui s'est passé et qu'on arrête de leur expliquer ce qu'ils doivent penser d'un événement aussi dramatique. Et si j'ai écrit ce livre, c'est pour empêcher qu'on efface notre silence, pardon, qu'on efface notre mémoire grâce au silence. Vous évoquez aussi beaucoup la guerre d'Algérie. Il y a un lien évident avec la guerre d'Algérie. J'ai été formé par la génération qui a terminé la guerre d'Algérie et je me souviens que ils ont disparu sans jamais pouvoir partager la réalité de ce conflit ignoble. Ma génération ne partira pas comme cela. Elle a besoin de partager ses fantômes parce que ce sont des fantômes qui appartiennent à la société française. Merci beaucoup Guillaume Ancel d'être venu sur notre plateau. sans majorité. Pourquoi ? Pas parce que les débats s'éternisaient. Nous étions à 9 jours de débat pour le budget contre 11 l'année dernière. Une seule journée pour celui de la sécurité sociale. Pourtant, nous avions jusqu'à la fin décembre pour voter ces budgets. Pas non plus parce que les amendements du gouvernement étaient refusés. Pas même à cause d'un quelconque blocage, non. Vous avez décidé que ces budgets seraient adoptés sans vote parce que le résultat de nos délibérations vous a déplu. Création d'une taxe sur les superdividendes, rétablissement de l'exit tax, gain de 200 euros par mois pour les résidents d'EHPAD, conditionnement des exonérations des cotisations sociales au respect de l'égalité femmes-hommes, toutes ces mesures d'intérêt général ont été votées à la majorité de cette Assemblée, parfois même avec les députés de vos rangs. En activant l'article 49.3 dans toutes ces circonstances, vous montrez votre aversion pour le fonctionnement normal de la démocratie. Depuis, vous vous êtes livré à des magouilles en coulisses, vous réservant le droit de trier le bon grain de livret. Vous avez évacué plus de la moitié des amendements votés à l'Assemblée. Ainsi, vous remplacez la délibération par le fait du prince. Pour l'un et l'autre texte, pas moins de 85% et 92% des amendements retenus proviennent exclusivement de votre camp. Madame la Première Ministre, 2 Français sur 3 ne veulent pas du 49-3 et vous leur en donnez un double. En macronarchie, l'arbitraire fait loi. Comment ne pas voir ce continuum autoritaire depuis 5 ans, 21 lois promulguées réduisant les libertés individuelles, un pouvoir qui s'exerce par ordonnance ou depuis un conseil de défense, la matraque comme seule réponse aux mouvements sociaux quand ce n'est pas la réquisition. Désormais, vous gouvernez au rythme d'un 49-3 par jour. Depuis 5 ans, vous maintenez votre pouvoir sur tout ce que la Ve République a de plus brutal. Tout cela n'a rien d'un hasard. Le macronisme est un autoritarisme. Ainsi, vous seriez bien en peine de rejeter un quelconque blocage sur le dos des oppositions. Aucun de vos arguments ne résiste une seule seconde à l'examen. Vous nous dites, et Madame Berger vient de le redire, je cite, « Vous ne souhaitiez de toute façon pas voter ce budget ». Au bout de 5 ans, je pensais que vous vous étiez habitué. Visiblement, le désaccord revêt encore une forme de mystère à vos yeux. Pour la 1000e fois, nous sommes l'opposition. Nous avons été élus pour porter un programme radicalement différent du vôtre. Quand vous dites que votre texte a été dénaturé, vous ne comprenez pas donc la différence subtile entre le budget que nous soumettez et celui qui sera adopté. C'est dans cet interstice que réside la démocratie. Ne vous en déplaise, l'Assemblée nationale n'est pas la photocopieuse de l'exécutif. Vous nous dites que ces débats auront au moins servi, je vous cite toujours, à éclairer nos compatriotes. Que dire de cette vision toute personnelle du débat parlementaire où nous délibérons pour la beauté du geste? En Macronie, les députés étudient un texte, parfois jusqu'à minuit, en attendant le couperet du 49-3. Pour vous, la démocratie est donc décorative. Que cette conception convienne aux députés Renaissance, il n'y a là aucun doute. Ils ont rendu un bel hommage à la servitude volontaire de la Boétie en applaudissant copieusement vos coups de force. Vous nous dites encore que la seule majorité qui vaille est celle qui siège sur les bancs de Renaissance. D'une majorité relative, vous voilà à fantasmer une majorité simple, nostalgique de la majorité absolue des 5 dernières années. La réalité est cruelle. Vous avez été battu en juin dernier. Mais une défaite est un détail pour tout mauvais perdant. En vérité, vous ne savez plus à quelle légitimité vous adosser. Nous avons même surpris Bruno Le Maire convoquer le souvenir de l'élection d'Emmanuel Macron pour justifier une prétendue adhésion à votre budget, omettant au passage son élection par défaut. Dans ce cas, cessez de faire semblant et allez au bout de votre idée. Assumez que vous souhaitez supprimer le Parlement. Enfin, il vous reste à comprendre que les mots ont un sens. Quand vous osez parler de dialogue, d'esprit de responsabilité, quand vous muselez en réalité la souveraineté populaire, vous ne faites qu'achever le peu de confiance que les Français avaient en vous. Les seuls artisans du blocage, c'est vous. Pour une fois, la vérité sort de la bouche d'un ministre quand il dit « La minorité ne doit pas dicter sa loi à la majorité ». Les mesures que nous avions votées n'étaient pourtant pas révolutionnaires. Il s'agissait de rétablir un peu de justice sociale. Contrairement à vous, la majorité de cette Assemblée s'était rendue à la raison. Avec vos 49-3, c'est autant la démocratie que vous désavouez que l'aspiration à la vie digne de nos concitoyens. Mais il n'est d'humain plus déterminé qu'un macroniste quand il s'agit de protéger le capital privé. Après 2 ans de pandémie et une explosion de l'inflation, vous ne trouvez toujours pas pertinent de redistribuer les richesses. Fort de vos alliés objectifs, comme le Rassemblement national ici à mon extrême droite, vous avez tout refusé. La hausse du SMIC, la taxe sur les superprofits, celle sur les dividendes, le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, même temporairement. La Macronie radicalisée se fait la gardienne des profits, y compris des plus indus. Vous refusez au motif que gouverner avec des symboles ne résoudrait pas le chômage. À ma connaissance, retirer 5 euros d'APL aux plus pauvres du pays, non plus. Supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, non plus. Baisser l'indemnité des chômeurs, non plus. Vos cadeaux fiscaux aux grandes entreprises sans contrepartie, non plus. Mais quel sens du timing? Depuis la rentrée, vous enchaînez les textes de classe. Destruction de l'assurance chômage, budget austéritaire et bientôt la casse des retraites. À présent, vous dégainez l'article 49.3 au pic de la gronde sociale. Jamais un gouvernement n'avait semblé aussi déconnecté. Madame la Première ministre, vous êtes en apesanteur sociale. Comment faites-vous pour ne pas voir la colère et l'immense lassitude qui parcourt le pays? Ce que vous leur avez refusé au Parlement, les salariés le réclament désormais dans la lutte. Les raffineurs ont ouvert la brèche. Leur mobilisation fait tache d'huile et s'étend aux cheminots, travailleurs du nucléaire, routiers, soignants, professeurs de lycée professionnel, officiers de police judiciaire. Dimanche 16 octobre, l'envie d'un autre monde s'était donné rendez-vous à Nation. 140 000 personnes ont défilé contre le vôtre. Car après tout, qu'avez-vous à offrir au pays? Cet été, les Français ont vu défiler les catastrophes écologiques. En cette rentrée, ils assistent à une série de pénuries. Ils apprennent que le dérèglement climatique pourrait être pire que prévu, en même temps qu'ils lisent les jérémiades des patrons sur des salaires à 7 chiffres. Pour Noël, vous leur promettez des coupures d'électricité. Pour leur nouvelle année, vous leur demandez de travailler plus longtemps. Madame la Première ministre, qu'avez-vous à offrir au pays? Qu'il est loin ce temps où Emmanuel Macron vantait un nouveau monde, une France forte et la libération des énergies. Votre exaltation du libéralisme s'est fracassée contre le mur de la réalité. Le président de la République a été réélu sans état de grâce. Votre jargon managérial s'est peu à peu vidé de toute substance. Vous avez désenchanté la politique au profit d'une logique comptable et gestionnaire dont on peine à saisir la vision et dont nous payons surtout les conséquences sociales et climatiques. Madame la Première ministre, qu'avez-vous donc à offrir au pays? À présent, vous percevez certes très confusément la faillite de l'idéologie qui vous guide. Alors vous voilà à nous parler de planification écologique, à coup de slogan certes, car en Macronie, même les politiques publiques sont des marchandises à vendre. Et voici qu'Emmanuel Macron sort du traité de la charte de l'énergie. Comme c'est risible, les rares fois où les libéraux font le constat à demi-mot que leurs recettes ne fonctionnent pas, ils en viennent à nos idées. Si vous tenez tant à vous inspirer de nous, sachez que la nouvelle Union populaire écologique et sociale n'a jamais renoncé à l'idée de gouverner ce pays. Redistribution des richesses, bifurcation écologique et solidaire pour transformer nos modes de production, augmentation des minima sociaux, renforcement de nos services publics, sortie des marchés des biens communs choisis démocratiquement, constituante pour une 6e République, nous sommes prêts à appliquer ces mesures. Collègues, ministres, rendez-vous à l'évidence. Il y a comme une odeur de fin de règne. Bien que vos ardeurs autoritaires ne soient qu'un aveu de la faiblesse de votre pouvoir, croyez bien une chose, nous ne nous habituerons pas à ces méthodes. Madame la Première ministre, les Français ne se laisseront pas gouverner à coups de 49-3 et prenez garde. Une fois la session budgétaire passée, il ne vous restera plus qu'un seul joker autoritaire. Leur chanter des tas de chansons, d'y ésirer toute la clique. Les morts en veine de migration se sont levés avec des tricks. Ils sont allés au cinéma voir la symphonie pathétique. On dit qu'ils n'ont pas aimé ça. Les morts n'aiment pas la musique. Ils ont voté et puis après. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Apporter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 60 berges. Sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils qu'on crucifie sur des affiches. Un doigt de scotch et un jean, fils. Et tout le reste, je m'en fiche. Ils vont voter et puis après, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. J'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En ces temps, on ne voit pas l'herche, ils n'ont même plus de cul. Les Français, ils font voter et puis après, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. C'est un pays qui me débecte, pas moyen de se faire anglais ou suisse ou con. Ou bien insectes partout, ils sont confédérés. Faut les voir à la téléurne, ces Vespasiens de l'isoloir, et leur bulletin dans les burnes, et le mépris dans un placard. Ils vont voter, et puis après, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, dans une France socialiste. Je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées. Le jour de gloire est arrivé. Vous êtes journaliste et ce cauchemar des travailleurs, vous l'avez documenté pendant 3 ans. Vous les avez rencontrés, ces travailleurs, au Qatar bien sûr, mais aussi dans la région d'où ils viennent, leur pays d'origine en Inde, au Koweït, au Népal, au Soudan, au Kenya. Des témoignages bruts retranscrits dans ce livre. Qui est ici les esclaves de l'homme pétrole. L'homme pétrole, ce sont les Qataris. Et le mot esclave, ce n'est pas un mot qu'on utilise à la légère. Il est lourd de sens. Pourquoi est-ce que vous l'avez employé? Moi, quand j'ai vu là, le documentaire que vous avez diffusé et puis les témoignages qui sont passés, que ce soit les témoignages dans le livre ou à la télé qu'on a vu, là, qu'on vient de voir, ça me fait penser à Candide et à Cacambo dans le roman de Voltaire. Qui vont à la rencontre de cet esclave noir au Suriname, dans cette plantation de canne à sucre hollandaise. Et il lui pose la question, mais pourquoi il te manque un bras et une jambe? Et l'esclave le répond, mais on m'a coupé le bras, enfin les colons m'ont coupé le bras pour éviter, après une blessure, pour éviter une gangrène. Et puis on m'a coupé la jambe gauche parce que j'ai essayé de m'enfuir. Et donc, et il leur dit après, mais c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Et je trouve que, et cette phrase, quand j'entends les témoignages là, et quand j'ai recueilli les témoignages avec mon co-auteur pour ce livre, cette phrase, elle a résonné dans mon esprit à chaque fois que j'ai entendu ces témoignages. Et il n'était plus question de sucre, mais il était question de mondial. C'est à ce prix qu'on va regarder ce mondial. Et donc, je pense que on n'a pas badiné avec le mot esclave, et je pense qu'il est tout à fait vrai, vu la violence. Et l'acharnement qu'il y a sur ces travailleurs au Qatar, mais aussi dans la péninsule arabique. Oui, on parle de milliers de morts. Comment sont-ils morts? Parce qu'on a une image un peu de l'ouvrier qui tombe d'un échafaudage sur un stade. C'est plus complexe que ça. Vous parliez précisément du bras qu'on coupe, de la jambe qu'on coupe. C'est un peu comme ça que ça s'est passé aussi. Alors, le chiffre de 6500, il faut le regarder de très près, sont essentiellement des statistiques qui viennent des ambassades, des travailleurs asiatiques. Donc, on n'a pas les statistiques pour les travailleurs africains, par exemple, de l'Afrique. Donc, c'est bien plus. Donc, c'est un chiffre qui est sous-estimé en vrai. Voilà. Attendez, donc, vous êtes en train de nous dire que c'est peut-être 10 000 morts, quelque chose de ce genre-là? Moi, je donne pas des chiffres comme ça à la louche, mais c'est un chiffre qui est sous-estimé. Pourquoi également? Parce que le Qatar ne pratique pas d'autopsie sur les décès des travailleurs. Par exemple, je prends l'exemple. Un travailleur qui a enchaîné, comme j'ai pu en rencontrer au Qatar, 9 mois de travail d'affilée sans un seul jour de congé et qui meurt dans son sommeil d'un AVC. Il n'y a pas d'autopsie qui est pratiquée sur son corps. Donc, on considère que c'est une mort naturelle pour quelqu'un qui a entre 30 et 40 ans. Donc, il n'est pas comptabilisé comme étant mort sur un chantier. Et donc, ce chiffre de 6500, il a le mérite d'avoir éveillé les consciences, mais en réalité, il est clairement sous-estimé. Et je voudrais reprendre un autre chiffre qui est encore plus étonnant. C'est celui de 10 000 morts par an dans la péninsule arabique, donc dans tous les pays du Golfe. 10 000 travailleurs asiatiques, pas africains, 10 000 travailleurs qui disparaissent chaque année dans les pays du Golfe. Chaque année. Donc c'est l'équivalent de la ville d'Arcachon qui disparaît tous les ans. Pourquoi ? Pour servir des pays et pour construire des pays qui n'existaient pas il y a encore quelques décennies. Et pour construire ces immenses puissances et pour que ces puissances rayonnent à l'international. C'est vertigineux ce que vous nous dites. On a aussi des gens qui meurent chez eux, qui rentrent. Exactement. Et qui quelques mois, quelques années plus tard meurent. Ouais. On a, c'est dans le livre et on a rencontré ces travailleurs qui ont des problèmes de reins. Pourquoi ? Parce que les entreprises au Qatar font des économies sur l'eau qu'elles donnent à leurs travailleurs. Donc c'est pas de l'eau minérale, c'est de l'eau désanalysée. Et cette eau-là contient tout un tas de produits chimiques et des taux en sel qui sont bien plus élevés. Et donc les travailleurs développent quasi systématiquement des problèmes rénaux. Et quand ils rentrent chez eux, souvent ils ont quelques années encore à vivre. Parce que il leur faut une greffe d'un rein et ils n'ont pas les moyens de se payer une greffe de rein, ou alors ils ont des graves problèmes de santé liés à cette eau qui leur est donnée. Ça veut dire que quand on va regarder les matchs de Coupe du Monde dans 50 jours, bien au chaud chez nous, en même temps, des ouvriers qui auront permis de voir les images que l'on verra sont en train peut-être de mourir chez eux. Oui. Bah là, un des témoignages de cette veuve là qu'on avait rencontré au Népal, son mari avait travaillé 10 ans. Au Qatar, il est rentré, 3 semaines après, il est mort. Donc en fait, moi, je me pose aussi la question de ces travailleurs népalais, indiens, qataris, puis africains. Ils ont travaillé au Qatar ou dans d'autres pays du Golfe. Ils sont partis très jeunes. Souvent, ils partent à 20 ans. Donc ils n'ont pas le temps de profiter de leur jeunesse, de leur vie. Souvent, ils sont tout juste fraîchement mariés. Et donc, ils partent dans ces pays du Golfe et toute leur vie, enfin leur jeunesse est passée dans ces pays-là, dans des conditions de travail qui sont difficiles et sans aucun loisir et sans aucune, je sais pas, enrichissement intellectuel. Et donc ils passent leur vie à servir ces pays du Golfe. Ils sont mal payés, mal considérés, et ils rentrent ou alors ils rentrent pas. Et donc leur vie a servi à quoi ? Leur existence, quel a été le but de leur existence ? C'est d'avoir servi ces pays-là. Et moi j'appelle ça de l'esclavagisme. Vous avez, et là on rentre dans l'enquête, c'est difficile de mener une telle enquête dans ces pays. Vous avez réussi à vous rendre dans ce qu'on appelle la zone industrielle. C'est à Doha où sont logés près de 400 000 ouvriers qui ont travaillé sur les chantiers. On voit ces images, c'est vos photos à vous ça. Les photos vous les avez prises cachées dans une voiture. C'est dangereux de documenter la réalité du travail dans ce pays. Je ne sais pas si c'est dangereux pour moi. Moi, qu'est-ce que je risque ? Je risquais une expulsion, qu'on saisisse mon matériel et c'est tout. Mais c'est surtout dangereux pour les travailleurs avec qui j'ai été dans cette zone industrielle, qui eux ont beaucoup plus à perdre que moi. Mais effectivement, le Qatar est pas très content quand un journaliste se rend dans cette zone industrielle. Déjà, il n'y a pas d'occidentaux dans cette zone industrielle. Il n'y a pas d'arabes non plus. Donc on parque les travailleurs africains et asiatiques loin de Doha et de son urbanisme Disneyland et magnifique, loin des stades, très loin de cette nouvelle ligne de métro qui a été créée également. Donc on isole ces travailleurs-là. Et puis là, vous avez vu quelques photos, mais les bâtiments sont décrépits, les chambres sont surpeuplées, et la propreté est catastrophique, et voilà. Le Qatar évoque, pour se défendre sans cesse, sa grande réforme du travail de 2020, qui aurait nettement amélioré la condition des travailleurs. Qu'en est-il ? Moi, avant tout ça, quand je suis arrivé au Qatar, je me suis rendu directement dans les bureaux de l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, et pour avoir un entretien pour savoir bon, quelles avaient été les améliorations sur les lois travail au Qatar après l'obtention de la Coupe du Monde. Parce que dans les médias, on vantait qu'il y avait eu de grandes améliorations, le système de la kafala avait disparu. Que la kafala, on explique, c'est la kafala, c'est d'avoir un Qatari qui sponsorise, voilà, qui vous accueille, qui prend votre passeport aussi. Voilà. Et donc la porte d'entrée pour un travailleur étranger. Voilà, et le travailleur n'a plus beaucoup de droits après après être sous la tutelle de son sponsor. Et donc apparemment ce système-là a disparu. Et puis donc aujourd'hui un travailleur aurait le droit de quitter le pays du jour au lendemain sans prévenir son employeur. Il aurait le droit de changer de travail, bon sous quelques petites conditions, mais il aurait le droit de changer de travail sans demander l'autorisation de son employeur. Le salaire minimum aurait été rehaussé, etc., etc. Donc je sors de l'entretien et je me dis bah tout se passe bien finalement, il y a peut-être des améliorations. S'il y a des améliorations, je pense qu'il faut le reporter. Et j'ai un doute. J'ai un doute et je me dis mais peut-être que cette Coupe du Monde a été vertueuse. Et là, je me rends dans la zone industrielle. Et ce que j'ai vu, c'est glaçant. Ce que j'ai vu, c'est inimaginable de la part du Qatar. J'ai vu des travailleurs qui avaient faim, donc qui n'étaient plus payés depuis des mois et qui mendiaient. La mendicité est interdite au Qatar. Hein. Mais vous vous rendez compte, des travailleurs qui mendient. J'ai vu des travailleurs qui étaient dans leur chambre, alités, blessés à cause d'un accident du travail et leur entreprise refusait de payer leurs frais médicaux. Donc des gens dont les jambes pourrissaient, etc. J'ai vu des travailleurs se shooter également, consommer de la drogue pour oublier leurs conditions de paria. Mais je me suis dit, c'est inimaginable. Et je ne pensais pas découvrir ça au Qatar. Et ça existe. Comme cul et chemise, comme larrons en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations. Mais il n'en reste qu'une, au travers de l'histoire, qui ait su nous donner toute satisfaction. Le sabre et le goupillon, l'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire, les peuples n'avaient plus à se poser de questions. Et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard. On se sert aussi bien pour tondre le mouton du sabre que du goupillon. Quand un abbé de cour poussait une bergère vers des chemins tremblants d'ardentes déraisons, la belle ne savait pas, quand elle se laissait faire, qu'il condamnait l'usage de la contraception, le sabre et le goupillon. Et maintes éminences, et ma beau capitaine, reposait le guerrier de la même façon, dans le salon chinois, où Madame Germaine, grâce à ses pensionnaires, réalisait l'union du sabre et du goupillon. C'était le temps rêvé de tous les militaires, on leur offrait des guerres et des expéditions, que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre, le cœur plein de mitraille et de bénédictions, du sabre et du goupillon. Quand ils s'en revenaient, et d'Asie et d'Afrique, ils faisaient régner l'ordre au sein de la nation. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trique, les autres, sans le dire, pensaient qu'elle a du bon, le sabre et le goupillon. On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre, ça brise le moral de la génération. C'est pourquoi les crédits que la paix nous libère, il est juste qu'ils aillent comme consolation au sabre et au goupillon. L'un jouant du clairon, l'autre de l'harmonium, ils instruiront ainsi selon la tradition. Des craquants sans brimeuse, des forts en tédéum, qui nous donneront encore bien des satisfactions, le sabre et le goupillon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Voilà, donc l'état des forces actuellement, la CGT qui se radicalise, c'est dans le jeu du syndicat que vous connaissez bien aussi comme homme politique. Moi je suis pas le mieux placé pour porter une appréciation sur la direction du syndicat. Bon, radicaliser tout de suite. Bon, les gens réclament leur part d'un immense magot qui a été absorbé par Total, dont au bout du compte, c'est quand même l'argent des gens qui ont acheté de l'essence et qui l'ont acheté tout d'un coup beaucoup plus cher en raison d'une spéculation mondiale et particulière, Total étant un acteur qui n'est pas insignifiant sur le marché du pétrole mondial. Bon, voilà, le syndicat a ses propres orientations, ses décisions, et puis c'est pas ça qui compte, je dirais d'une certaine manière. Ce qui compte, c'est l'adhésion des salariés de l'entreprise, parce que c'est eux qui prennent au bout du compte les décisions et qui en assument les conséquences. J'ai l'impression que la grève est bien suivie et qu'elle est démocratiquement organisée. Donc voilà, comme beaucoup de gens, je me sens solidaire, nonobstant les difficultés que nous pouvons rencontrer. Mmh. Et je pense que c'est là le sujet qui, à mon avis, est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de convergence qui peut s'opérer entre, d'une part, l'action des salariés, qui évidemment se déroule dans l'entreprise, à l'appel des syndicats, dont c'est la responsabilité, et puis il y a, en dehors des salariés, ce que nous appelons le peuple, c'est-à-dire pas seulement les salariés, mais aussi les retraités, les étudiants, les lycéens, les précaires, les chômeurs, il y en a pour 6 millions de personnes de chômeurs, et qui, eux aussi, veulent et doivent participer à l'action. C'est la raison pour laquelle il y a cette marche dimanche, peut-être qu'il y en aura d'autres, avançant en parallèle avec ce que les salariés décident dans leur entreprise. Ouais, et on va revenir sur cette convergence des luttes, sur l'activité qui est la vôtre aussi, Jean-Luc Mélenchon, face à cette situation. Michael nous rejoint dans quelques instants au standard de France Bleu au 0810 055 056. Il est chauffeur-livreur, je crois. Mais je voulais que nous réfléchissions, par exemple, avec des citoyens dans la Sarthe, au système D qui est le leur, Jean-Luc Mélenchon. Ils s'arrêtent pour faire le plein dès qu'ils le peuvent. Ces Sartois, peu importe le prix, comme dans cette station du Mans, Bertrand Hochet pour France Bleu Maine, qui est une station plus chère d'ailleurs que la plupart de ses concurrentes. Ici, le gasoil est à plus de 2 euros le litre. Dans la file d'attente, inhabituellement longue, cet ouvrier du secteur des travaux publics nous montre le voyant orange de sa voiture qui s'allume. Et regardez, je suis à sec, malgré le prix. On est obligé de faire pour travailler. Pas vraiment d'autre solution, dit aussi Bruno, qui patiente devant la pompe. Il n'y a pas le choix, hein. Malheureusement. On peut avoir du gasoil moins cher. J'ai fait 4 stations, impossible de trouver du gasoil. Hein. Faire des kilomètres pour trouver peut-être une autre station ouverte proposant peut-être de meilleurs tarifs, Alberto n'y croit pas non plus. Pour ce maçon, ce n'est pas le bon calcul. Je préfère payer 10 centimes de plus ici qu'aller faire 15 minutes de route et puis attendre encore 15 minutes et ainsi de suite, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas rentable. Un peu plus loin, sans se poser de questions, Marjorie rejoint la file d'attente au volant de son véhicule utilitaire. L'entreprise qui l'emploie a un contrat avec la station essence. Je sais très bien que moi, j'irai pas ici en tant que particulière pour acheter mon essence. On paye le prix fort, mais pourquoi ? Pour aller au travail ? C'est pas logique. Enfin, de mon sens, c'est pas logique. Cette station accueille au moins 3 fois plus de clients qu'en temps normal, d'après sa gérante. Quant au prix, ce n'est pas moi qui les fixe, se défend-elle. Alors Jean-Luc Mélenchon, à l'écoute de ce reportage, beaucoup de choses. D'abord, la double peine pour ces usagers qui payent l'essence au prix cher. Des prix qui vous interrogent, j'imagine, jusqu'à 2,60€ le litre de gasoil à Marseille ou à Paris, et cela malgré la ristourne du gouvernement. Oui, bah, c'est assez, ça s'appelle la loi du marché. Mmh. Pour ceux qui admirent cette merveille, bah voilà, c'est ça, ils sont servis. C'est un effet spéculatif, car au plan mondial, le pétrole... bien que je sois pour sortir des énergies carbonées, on va pas en sortir en un claquement de doigts. Hein. Bon, le pétrole au niveau mondial est produit en dessous du niveau de ce qui serait nécessaire. Car la demande, c'est-à-dire ce dont on a besoin, eh ben, on le connaît d'avance. Et donc, les pays producteurs ont, eux, décidé de produire en dessous du niveau nécessaire pour faire monter les prix. Normalement, on s'attendrait à ce qu'en face, il y ait des mesures de réplique. Il n'y en a pas. La mesure de réplique eût été, par exemple, dès qu'on a su que la situation commençait comme ça, à l'époque, M. Macron était président de l'Union européenne aurait pu fixer un prix plancher en disant, bah écoutez, c'est pas 1 euro de plus qu'on vous paiera. Et en gros, on aurait fait, les nations, les chefs des États, auraient fait le syndicat des consommateurs. Voilà. Ils ne l'ont pas fait, ils ont laissé aller, et M. Macron le premier. Donc, nous avons cette explosion des prix. Maintenant, les gens sont dans une situation, vos reportages sont excellents pour ça. Ils sont captifs. Non, il faut pas dire les choses comme ça, parce que ça, après, on connaît le numéro, l'otage, la prise d'otage, tout ça, je suis pas d'accord avec cette façon de voir. Les grévistes de la centrale ne prennent personne en captivité, et c'est pas eux qui bloquent le pays. Eux, ils bloquent l'entreprise. C'était donc au gouvernement de savoir que le blocage de l'entreprise allait donner le blocage du pays, et donc d'intervenir à temps pour obliger Total à payer. Maintenant, il y a une dernière chose très concrète que je voudrais dire. L'un des députés insoumis, il s'agit de Adrien Clouet, ainsi qu'une série d'autres, je n'ai pas vu la liste complète, ont déposé un amendement pour dire que l'absence au travail pour motif de impossibilité de s'alimenter, de s'approvisionner en essence, serait un motif légitime d'absence. C'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas aller au travail parce qu'ils n'ont pas pu avoir d'essence dans leur véhicule, ou parce que c'est à un prix qui rend impossible tout simplement pour eux, comme l'a dit cette dame très bien, le fait de le faire, eh bien ce soit un motif légitime d'absence. Donc, les c'est gens une proposition que déposerait ce député. Absolument, de la c'est fait. L'amendement est déposé. Il peut donc être voté à tout moment au Parlement. Et nous verrons bien à ce moment-là ce que valent les hypocrites qui ne cessent d'essayer de dresser le peuple contre les salariés. Ouais, ce qui et viserait, à quoi pardon. Précisément répond, pour faire suite à la question de tout à l'heure que vous posiez, c'est la raison pour laquelle nous, notre rôle comme organisation politique, la NUPES, mais tous ceux qui participent à la marche, parce que je ne voudrais pas qu'on croie que c'est la marche des insoumis ou même de la NUPES. On va y venir à la marche. Eh bien, nous mobilisons le peuple, c'est-à-dire tous ceux qui sont pas salariés ou salariés connexes ou intermittents et ainsi de suite. Voilà. Alors, le peuple, il est là justement à l'écoute de votre France Bleu, Jean-Luc Mélenchon. Alors qu'une station-service sur trois est encore en pénurie, mais qu'Elisabeth Borne affirme à l'instant voir des signes d'amélioration dans la distribution de carburant, ça va un tout petit peu mieux. C'est vrai que ça commence à se débloquer du fait de la réquisition de salariés, notamment au dépôt de Total de Mardic, près de Dunkerque. Nous sommes avec Michael, donc, qui est chauffeur-livreur en Ile-de-France au standard de France Bleu. Bonjour Michael. Bonjour. Alors j'imagine que pour vous le télétravail c'est compliqué. Est-ce qu'il faudra un jour que vous demandiez à votre propre employeur d'être absent parce que vous n'avez plus assez de carburant dans votre réservoir? Est-ce que vous en êtes là ou pas encore, Michael? Non, pas encore, mais ça fait peur, mais j'en suis pas encore là, non, pas du tout encore. Comme on dit, en ce moment, on peut encore quand même trouver du gasoil en ayant une heure et demie d'attente ou deux heures d'attente. Donc on n'est pas encore en guerre ou on n'est pas encore sans rien, mais ça sent pas bon, on est d'accord. Oui, c'est votre quotidien qui vous pousse, cela dit, à vous organiser dans votre profession et dans vos livraisons, Michael? Ben oui, dans le quotidien, du coup, vu qu'on perd du temps à faire des queues, on ne peut pas faire notre travail. Ça veut dire qu'on perd du temps, on perd des clients, parce que en fait, on n'a pas d'essence pour rouler, donc voilà, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, mais vous demandez à tous ces Français, comme Michael, dont c'est le métier, d'être solidaires de la CGT aujourd'hui, de ce mouvement solidaire vis-à-vis de la demande de juste rémunération du travail, Jean-Luc Mélenchon, c'est ça? Moi, je crois que, d'abord, je ne demande rien. Je dis que il y a une situation. Je ne suis pas syndicaliste, c'est pas ma responsabilité. Mmh. Donc, c'est pas moi qui organise les grèves. Je les constate et j'essaye de comprendre pourquoi elles ont lieu au lieu de jeter des pierres aux uns et aux autres. Ce discours de solidarité, vous le tenez souvent. Mais évidemment. Mmh. Et je le tiens dans ce cas-là parce que ce soit ce monsieur qui, dans son camion, travaille dur pour obtenir sa paye, ou que ce soit n'importe quel autre travailleur, ils viennent tous de se faire prendre dans la poche 10% d'augmentation des prix, c'est-à-dire 10% de salaire de moins, alors qu'ils travaillent autant, et maintenant, en plus, travaillent plus, puisqu'il faut faire la file pour avoir de l'essence. Donc, la solidarité, ça consiste à faire que le peuple dise « ça suffit, on veut partager, c'est normal qu'on puisse vivre dignement, puisque on travaille, on s'use au boulot, aux responsabilités, on n'est pas condamné à vivre chiche, pauvrement ou dans la misère. Qu'on m'entende bien, je ne suis pas en train de noircir le tableau, mais est-ce que tout le monde s'est bien rendu compte au gouvernement qu'il y a des milliers de jeunes gens qui ont faim, qu'il y a des millions de gens qui ont froid pendant l'hiver? Est-ce qu'ils ont compris ça? Mais quel rapport avec les raffineurs aujourd'hui qui demandent 10%? À votre avis, lequel? Mais, enfin, est-ce que le sort des raffineurs va régler le sort des étudiants, Jean-Luc Mélenchon? Ah, d'accord. Et le vôtre? Non, c'est une question que je pose. Mais c'est pas une question, elle n'existe pas, pardon de vous le dire. Mais ça n'existe pas, la question que vous posez. Chacun mène sa bataille dans l'entreprise où il se trouve par rapport aux profits qui ont été accumulés. Nous parlons évidemment des très grandes entreprises. Mm-hmm. Enfin, êtes-vous conscient du fait que 5 personnes possèdent autant que 27 millions? Que pendant la pire crise qu'on ait connue, celle du Covid et maintenant, il y a des gens qui continuent à accumuler une fortune, on se demande ce qu'ils en font. Le propriétaire de cette entreprise de transport, qui a gagné 30 milliards en un an, vous croyez pas qu'il peut un peu partager? Donc ça, c'est la taxe sur les super profits que nous avons proposé. C'est ça que demandent les gens. Donc si chacun s'enferme dans son petit coin, en disant les autres, je m'en fiche, je m'en occupe pas, c'est pas mon affaire, ce qui des fois est le cas quand on est pris dans une logique de survie, qu'on ne sait que faire. Mais notre rôle à nous est de prendre de la hauteur, d'en donner, à vous comme journaliste, à moi comme responsable politique, en disant, écoutez, nous sommes tous dans la même galère, Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler? Ben voilà, bloquons les prix, augmentons les salaires, etc. Ne touchons pas à la retraite, c'est pas la peine de faire une histoire de plus dans ce pays. Mmh. Taxons les super profits. Ça veut dire, ce sont des choses rationnelles, ce que je vous dis là. Ça veut dire aussi dimanche que Jean-Luc Mélenchon, le discours dans cette actualité, c'est de dire que si les raffineurs n'obtiennent pas d'augmentation des salaires, personne n'en aura dans le pays. C'est aussi ça, dans le jeu du rapport de force, que vous voulez embarquer les Français pour qu'ils comprennent la logique actuelle, par non, exemple. Non, j'accepte pas. Moi, j'embarque dans rien du tout. Qui nous embarque, madame? Qui nous embarque? Qui a gagné des milliards en spéculant sur le pétrole? Parce qu'ils en ont pas sorti une goutte de plus qu'avant. Parce qu'ils ont pas mis une machine de plus. Qui nous embarque dans la pénurie totale, qui ne veut rien partager? Qui a donné 2 milliards d'avance sur les dividendes à ses actionnaires? Oui. Si vous trouvez que ça c'est normal et qu'on doit tous dire merci patron et on vous bise les mains, eh ben non, c'est pas le peuple français à qui vous parlez. Michael, vous avez une question justement pour Jean-Luc Mélenchon avant d'entendre oui. Raoul et Alain, si je vous écoute, Michael. Oui, ma question pour Monsieur Mélenchon, c'est pourquoi les politiques, ils disent que Monsieur Mélenchon, il attend le chaos de la France pour pouvoir profiter du chaos de la France. Parce que moi, je suis pas politicien, je suis juste chauffeur livreur, j'écoute la radio et j'entends souvent parler de Monsieur Mélenchon comme quoi il rêve du chaos de la France pour pouvoir avoir s'enrichir ou avoir de la popularité. Et alors, je comprends pas, je ne suis pas politicien, mais les politiciens disent ça de lui. Alors pourquoi il dit il veut aider les gens, mais en fait tous les politiciens ils parlent pas comme il parle lui. Michael, en tout cas, je vous remercie parce que vous réagissez notamment à Xavier Bertrand qui sur cette antenne dans Ma France il y a deux jours disait Monsieur Mélenchon est un vautour qui veut profiter du chaos. Bon, c'est des mots qui sont totalement excessifs. Profiter de quelle manière? Vous croyez que je vais m'enrichir comme Total? Non, pas du tout, c'est l'inverse, parce que je cotise pour participer à la lutte. Est-ce que je vais en tirer de la notoriété? Vous rigolez, c'est déjà fait. Quoi? Je n'y ai aucun intérêt personnel. Quant au chaos, que l'on se comprenne bien, le chaos, ce n'est pas moi qui le crée, mais ça les arrange tous de dire, ah ben aujourd'hui, le problème, c'est les raffineurs. Non, le problème aujourd'hui, c'est pas les ouvriers de la raffinerie, c'est Total, qui ne veut pas partager. Quant à moi, face au chaos organisé par ce gouvernement et à l'entrée du marché dans tous les domaines, dans l'éducation, dans la santé, etc., je fais des propositions rationnelles pour faire cesser le désordre. Quand vous allez aux urgences et que vous attendez 4 heures ou plus, que vous avez un personnel éreinté, c'est eux qui créent le chaos, pas le personnel, mais ceux qui ont décidé ça. Et celui qui met de l'ordre, c'est moi, quand je dis il faut embaucher des gens et il faut les mettre au travail dans des conditions décentes. Ouais, vous êtes nombreux à vouloir réinstaurer l'ordre dans ce pays pour que la machine fonctionne bien, mais je crois que Raoul revenait sur les propos de Michael. Écoutez, j'en sais rien. C'est lui qui dit que des politiciens disent, je réponds à ce monsieur. C'est vrai, Raoul. Maintenant, vous parlez pour les autres si vous voulez. Raoul, non, je parle pour Raoul qui, je crois, veut réagir aussi à ce terme de chaos. Bonjour, Raoul. Oui, bonjour à tous. Bonjour, monsieur Mélenchon. Bonjour. Donc, j'admire votre grande culture. Vous êtes un grand tribun. Mais je trouve que vos incitations à la révolte dite populaire vous placent, dans le camp anti-républicain. Et je ne sais pas, vous qui êtes un spécialiste de la révolution, parfois je me dis que dans les années 1790, vous auriez peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, suivi Danton et Robespierre dans la charrette. Bon, je suis un peu brutal, mais c'est ce que je pense. Quant aux grèves, moi j'ai fait ma carrière dans le raffinage. Monsieur Mélenchon est d'ailleurs venu à Petit Couronne pour essayer de fermer une raffinerie qui s'appelait Petroplus. Non, contre, hein, la fermeture de Petroplus. Bon, je ne dis pas mieux la fermer, hein. La plupart des raffineries françaises et européennes. Oui. Maintenant, quant aux grèves, moi je les ai vécues de l'intérieur. Vous avez une minorité d'activistes, en particulier de la CGT, qui empêche 95% des gens de travailler. Parce que si vous faisiez une enquête auprès des gens dans les raffineries, les gens ne sont pas grévistes. Ce sont uniquement les gens de production, l'équipe de car, qui bloquent la raffinerie. C'est aussi simple que ça, et ça a toujours été comme ça. Alors, Jean-Luc Mélenchon, face à Raoul, qui connaît bien de l'intérieur, pour avoir travaillé dans les raffineries, ce système aussi. Je connais bien de l'intérieur les gens qui disent que c'est pas démocratique quand on fait pas quand ça me leur plaît. Je ne crois pas que 95% des salariés de quelque entreprise que ce soit se laissent faire par une poignée. Parce que comme ils sont 95% et qu'il y a des assemblées de travailleurs, c'est très facile d'y mettre un terme. Donc non. Bon, monsieur a son opinion, on l'a compris, hein, il n'est pas de mon bord. De là à me mettre dans la charrette avec Robespierre et Danton, heureusement, la peine de mort a été abolie en France. Mais, puisque vous m'interrogez sur la Révolution, et que moi, en effet, je m'identifie à la Révolution qui a créé la République, aboli les privilèges, oui, c'est une page de notre histoire. Alors, il y a dedans des choses plus ou moins lumineuses, et comme disait Clémenceau, on l'apprend, c'est un tout, on peut pas trier dedans. Mais puisque vous parlez des institutions et de l'appel à l'insurrection populaire, sachez que dans la Constitution de 1793, il est indiqué en toutes lettres que non seulement c'est un droit, mais un devoir de s'insurger lorsque la tyrannie s'impose et que le gouvernement ne fait pas la politique que le peuple demande. Alors, par conséquent, je suis dans cette tradition, mais j'admets que c'est une tradition. Il y en a d'autres dans le pays, il y a les conservateurs, à qui pensent que tout est bien comme c'est, faut rien toucher, faut rien changer, l'ouvrier, il a toujours été pauvre, il n'y a qu'à continuer comme ça, et ainsi de suite. Bon, c'est pas ma vision. Je crois que la mobilisation, l'implication citoyenne, c'est ça qui fait vivre une société. Vous savez, dès le XVIe siècle, je trouve des textes où on dit « la cité ne s'affaiblit pas par la polémique, elle se renforce ». Pourquoi ? Ben parce que le peuple ayant tranché, ayant décidé, ben il est plus fort dans ce qu'il fait. Si on ne se serre pas les coudes, comment voulez-vous que notre société résiste ? Vous croyez que notre société peut résister avec des gens aussi pauvres d'un côté qui sont un grand nombre qui travaillent, et de l'autre côté quelques riches qui prennent tout et ne partagent rien ? Jean-Luc Mélenchon, Raoul ne sera pas dans les rangs de la grande marche contre la vie chère dimanche à Paris. Vous n'en savez rien, peut-être qu'il va changer d'avis d'ici dimanche. En revanche, Alain qui est dans le Gard à l'écoute de France Bleu Gard-Lozère nous rejoint dans quelques instants et il y sera dimanche à vos côtés. La convergence des luttes, parlons-en, ce n'est pas une évidence. Écoutez le leader de la CGT, Philippe Martinez, qui était ce matin sur France Info et qui réagissait aussi, en dehors de la journée de mobilisation de mardi à l'appel des syndicats, à votre marche de dimanche, Jean-Luc Mélenchon. Vous avez remarqué que les slogans ne sont pas tout à fait les mêmes. Nous, c'est pas contre la vie chère, c'est pour l'augmentation des salaires. Cette nuance est importante. Augmenter les salaires, c'est pas la même chose que la lutte contre la vie chère. Le gouvernement, avec son texte pour le pouvoir d'achat, prétendait lutter contre la vie chère aussi. Deuxièmement, nous pensons qu'on est dans un processus syndical et que sur ces questions-là, les syndicats doivent être soutenus. Mais pas faire, on ne doit pas faire des choses en parallèle. Et puis, il y a des modalités qui ne nous conviennent pas. Donc, quelle modalité ? Par exemple, faire une manifestation nationale à Paris. Nous, on préfère la proximité. D'ailleurs, nos journées d'action, vous le savez, sont plutôt près des entreprises, dans les villes, grandes, moyennes. Il faut que les salariés puissent agir. Alors, Jean-Luc Mélenchon, plusieurs points, plusieurs réponses à Philippe Martinez. D'abord sur la vie chère, les salaires, c'est pas la même chose de son point de vue. J'ai l'impression que ce sont des prétextes. Parce que d'abord, la CGT n'a jamais proposé dans les réunions qui ont eu lieu d'autres mots d'ordre que ceux qui étaient là. Ensuite, le blocage des prix, je pense que la CGT est pour lutter contre la vie chère. Clairement, Philippe Martinez a bien compris que c'est pas les mesures du gouvernement que nous appuyons. C'est nous proposons notamment le blocage des prix. C'est pour ça que je dis que c'est des prétextes, parce que de même, c'est une idée étrange de dire, comme on est en lutte, les autres, faut pas qu'ils s'en mêlent pour dire juste 5 minutes après, mais on doit être soutenu. On soutient, c'est ce qu'on fait. Nous, on soutient, quand il y a une journée d'action nationale appelée par la CGT, et pas que la CGT d'ailleurs, parce que la division syndicale, c'est souvent un problème pour nous, les politiques, parce que nous, la politique de gauche, elle est unie, les syndicats, ils sont divisés. Nous avons donc une situation où chaque fois qu'il y a une journée d'action qui est appelée par l'un et pas par l'autre, nos amis se divisent. Donc là, dimanche, tout le monde peut être là. Ce ne sera pas une répétition générale à journée de mardi. Ça va aider. Si on est nombreux, si on est fort, ça va donner du courage, ça va donner envie de continuer le combat, d'entourer ceux qui sont dans la lutte. C'est ça qui va se passer. Donc n'opposons pas les choses. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de séparation entre le politique et le syndicat ? Le syndicat CGT est fondé sur la charte d'Amiens. La charte d'Amiens dit qu'il faut unir les prolétaires sans se diviser entre les partis politiques pour faire la grève générale révolutionnaire. Pour faire la grève générale révolutionnaire et administrer l'économie de la société. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je leur apprends s'il le faut. Je pense que c'est une vision qui est un peu dépassée. Nous avons besoin, à mon avis, je dis, parce que j'ai beaucoup d'amis qui croient à cette vision du monde. Mais moi, je crois qu'on a intérêt à mobiliser, encore une fois, je le dis, le peuple. Les chômeurs ne peuvent pas participer à l'action. Les retraités ne peuvent pas. Les lycéens, les étudiants non plus. Donc, nous les appelons à se rassembler et dans une ligne d'action qui est exactement dans le même sens que celle qu'entreprend la CGT. Je finis en disant une chose, c'est que des dirigeants syndicaux qui appellent à la marche, il y en a plus d'un millier aujourd'hui, qui ont signé une pétition parmi lesquelles... À titre personnel. Oui, oui, mais très bien, merci de la précision. Mais puisque vous êtes dans les précisions, sans doute avez-vous noté le nombre de fédérations syndicales nationales, CGT, qui appelle à la marche du 16. Non, vous ne l'avez pas noté. Je n'ai pas noté, je notais 700. Voilà. Eh bien, je vous le dis. 700, non, 700, c'est quand on a publié. La pétition a continué, nous sommes plus d'un millier. Des syndicats, unions départementales, là on parle de la CGT, mais pas que la CGT, et des syndicats de branche appellent. Je ne voudrais pas qu'on croie, après que j'ai parlé, que les militants CGT seraient des sectaires qui ne participent à rien. Parce que ce n'est pas vrai. Ils sont extrêmement présents, et leur présence est un bienfait, parce que dans l'entreprise, c'est eux qui sont en train de mobiliser leur famille pour qu'ils participent à la marche du 16, et je les en remercie. La marche de dimanche à laquelle vous allez participer, Alain, vous qui êtes auditeur de France Bleu, vous êtes à Alès dans le Gard, et donc vous allez monter à Paris. Bonjour Alain. Oui, bonjour, oui, je vais monter à Paris, et j'étais aussi dans les manifestations, je suis syndicaliste aussi, j'étais dans les manifestations le 29 septembre, moi. Je serai donc à la marche de Paris le 16 octobre et je serai dans les manifestations le 18 octobre. Parce que pour moi, il n'y a pas d'opposition. Tous ces événements se complètent et ne s'opposent pas. C'est-à-dire, moi, en tant que syndicaliste, quand je retrouve dans mes revendications des choses qui sont portées à un appel à quelque chose, moi, quand on dit qu'on veut la retraite à 60 ans, quand on dit qu'on veut l'augmentation du SMIC, le blocage des prix, moi, en tant que syndicaliste, ça me parle et je me retrouve dans ces revendications-là. Mmh. Après, je voudrais répondre un peu à la personne tout à l'heure qui a attaqué la CGT, qui parle de... qu'il y a 95% de gens qui veulent travailler et que 5% des gens les empêchent. Apparemment, ces 5%, ils sont très efficaces dans leur travail parce que c'est eux qui arrivent à bloquer l'entreprise. Mais c'est complètement aberrant, quoi. La CGT n'a jamais empêché personne de travailler. La CGT, merci. Si elle n'avait pas été là, on n'aurait jamais eu de congé payé, on n'aurait jamais eu de médecine du travail, on n'aurait jamais merci, eu Alain. Le SMIC, etc. Ouais. Quoi. Donc les syndicats, ils servent à quelque chose. Alain. Quand on parle de chaos, je voudrais juste dire un petit allez-y. Mot à la fin. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas le chaos. Par contre, c'est les salariés du pays qui, en ce moment, eux, sont le chaos. Quoi. Merci Alain, vous qui allez participer dimanche à la marche contre la vie chère et mardi, vous qui serez dans le cortège pour cette journée d'appel généralisé aux revendications. Ce sera un nouveau test pour vous, quand même, pour compter les troupes et les Français qui s'engagent aussi à lutter jour après jour pour l'amélioration de leur vie. Contre la cherté de la vie. Clairement, mais si vous voulez, dans cette affaire, c'est une vision de la démocratie. La démocratie, c'est pas juste aller voter une fois tous les 5 ans, vous le savez bien, puisque d'ailleurs, des fois, on peut même pas débattre, vu que le président veut pas. La démocratie, c'est en tout. Et il y a besoin que le pays s'exprime. C'est de la citoyenneté d'aller dans la rue, écoutez, on est gens pacifiques, on vient, on participe, on a une pancarte, on écrit un mot d'ordre dedans, on fait tous des sacrifices, on se regroupe, mais on donne à voir, et à partir de là, on crée un rapport de force. On peut penser que le gouvernement n'aura pas le choix et sera obligé de tenir compte de ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus la situation rêvée qu'il avait auparavant, où il décidait ce qu'il voulait, et puis ça votait à tour de bras. Maintenant, c'est tous les jours qu'à l'Assemblée nationale, après qu'on ait dit sur tous les tons « Ah, vous allez voir, la NUPES va se diviser, etc. » Qu'est-ce qui se divise ? C'est la droite. Résultat, entre eux, ils se disputent à l'Assemblée nationale et on obtient des votes qui nous sont favorables. Mais il faudrait quand même qu'on s'habitue à l'idée que c'est la démocratie. Enfin, en France, on a l'impression que si tout le monde marche pas au pas, ça va pas. Eh ben non, il y a des moments comme cela où la mobilisation est une nécessité. Si vous faites les moutons, vous serez tondus et vous aurez de la chance s'ils s'arrêtent à la peau. Jean-Luc Mélenchon, porterez-vous du noir dimanche pour cette grande marche ? C'est possible parce que c'est souvent ma couleur, mais je suppose qu'il s'agit de la mémoire de Samuel Paty. Absolument. Et nous l'honorerons le matin même, si j'ai bien compris les consignes qui nous ont été données à l'intérieur de la France Insoumise sur le sujet. Donc il n'est pas question d'oubli, vous allez même honorer la mémoire de ce professeur décapité il y a 2 ans, un 16 octobre, par un islamiste. Absolument, et je ne peux que redire à quel point une telle barbarie est non seulement choquante, mais doit être pourchassée et prévenue pour qu'elle n'ait plus jamais lieu.

Vous lui avez même substitué une assurance privée plus connue sous le nom de la République des copains. Grâce à elle, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn s'en va à la Cour des comptes. Jean-Michel Blanquer, déchu aux élections, est recasé comme professeur à l'université d'Assas. Brigitte Bourguignon est promue à l'inspection générale des affaires sociales. Madame Emmanuelle Wargon est placée à la tête de la commission de régulation de l'énergie. Toutes et tous sont remerciés pour des mauvais mais loyaux services. Sans passer par la case chômage, sans même que leur qualification n'ait été vérifiée, eux qui ont pourtant laissé un souvenir périssable de leur passage au ministère. Car telle est la dissonance cognitive qui traverse ce texte. Quand il s'agit de vos amis, c'est le placard doré. En revanche, le commun des mortels est un bouche-trou tout juste bon à prendre n'importe quel emploi, emploi que vous refuseriez pour vous-même, vos proches ou vos enfants. La Macronie s'occupe avant tout des siens. La mise en pas des chômeurs en dit long sur votre certitude de ne pas être un jour exposé à la situation que vous auriez organisée. Vous devriez tendre l'oreille, collègues, quand 100 de vos ex-collègues députés, et parmi eux les 3/4 que la nouvelle Union populaire écologique et sociale a allègrement mis hors d'état de nuire en juin dernier, nous disent qu'ils peinent à trouver un emploi. Sachez, quoi qu'il en soit, que les chômeurs n'ont rien d'une altérité indéplaçable. Bien que vous vous fassiez une si haute opinion de vous-même, leurs désirs ne sont en réalité pas si différents des vôtres. Ils veulent un travail digne, payé selon leurs besoins, partir en vacances de temps en temps, nouer des relations épanouissantes et se sentir socialement utile. Le regretté David Graeber disait « Un être humain privé de la faculté d'avoir un impact significatif sur le monde cesse d'exister ». Voilà où réside votre violence. Dans votre certitude que vous seul seriez intéressé par la qualité de l'emploi que vous occupez, mais nous n'avons aucune illusion sur vous. Il s'agit d'un texte de classe, et lorsque vous l'aurez voté, vous n'aurez réalisé rien de plus qu'un vote de classe. Je vous remercie. Amis, de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? À l'initiative du Conseil général de l'Aisne, deux journées commémoratives des fusillés de 1917 ont été organisées pour leurs descendants. Ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ça que c'était tout à fait normal qu'on y participe. Je tenais à être là aussi aujourd'hui parce que mon grand-père y tenait beaucoup. S'il y en a quelque peu le sens de la justice, on n'est pas d'accord avec ce qui s'est fait. Hein, et en plus, quand on a quelqu'un de sa famille qui est concerné, c'est encore plus marqué. 1917. La guerre fait rage depuis 3 ans. Au mois d'avril, le général Nivelle lance l'offensive du Chemin des Dames. La victoire espérée promet d'être décisive et de mettre fin à la guerre. En réalité, cette attaque fut un échec sanglant. Des mutineries éclatent, plus de 40 000 hommes refusent le combat. Les condamnations à mort pleuvent. 26 jeunes soldats n'obtiendront pas la grâce présidentielle et seront fusillés. Alors ce fut la dégradation. Une sonnerie clairon et le commandant du dépôt divisionnaire dit: soldat untel, vous êtes indigne de porter les armes, nous vous dégradons. Un gradé s'approche alors du condamné et découpe ses écussons et boutons, puis on passe au suivant. Nouvelle sonnerie et fermez le banc. 4 types s'approchent des condamnés et leur bandent les yeux, puis ils les conduisent à leur poteau, les y attachent pendant que les aumôniers leur adressent un dernier mot et les embrassent sur les 2 joues. Il disait que ça n'a été que justice. D'autres qui étaient indifférents et d'autres, comme mon beau-père, qui défendait violemment la mémoire du Gaston. La femme du fusillé, qui a subi quelque chose d'épouvantable dans le village natal de mon aïeul, donc, qui se trouve à Nocé, en Normandie. Et c'était vraiment la honte du pays, ils étaient rejetés de tout le monde. Il y avait la photo de Gaston dans la salle à manger. Mais moi, je croyais qu'il avait été tué à la guerre de 14 comme un soldat, enfin, comme... Au combat, quoi. Et la honte rejaillissait sur la famille. Donc, on se taisait. Mais actuellement, le temps a passé. C'est une autre génération. Nous sommes à la génération des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Et le moment est venu, d'abord, de rétablir la vérité. Il s'est battu contre pas mal de personnes de sa famille. Ça n'a pas été, j'imagine, toujours simple. Et le fait qu'il ait raison aujourd'hui, je trouve ça assez fort. Pendant 2 jours, les familles sont retournées sur les lieux des mutineries, des batailles et des exécutions. Cela leur a permis de connaître un peu mieux une histoire douloureuse qu'elles avaient déjà en partie dévoilée. On a fouillé des gros bouquins pleins de poussière. Et de quelle année? Je dis, c'est à peu près ça, c'est pas facile. Et sur une page, d'un seul coup, on voit Truton Albert, c'était son nom, né le temps, voilà. Il riait, complètement riait. Je vais me battre pour retrouver le nom de mon aïeul sur le monument mort de son village. Nous avons décidé d'écrire le nom de Louis Flourac

Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Revue de presse. Alors commençons par quelque chose qui n'est pas apparu dans la presse, reçu par Internet, c'est là qu'on a le plus d'informations. Non, par moment, heureusement qu'on a Internet, parce que sinon on serait très mal informé à cause des chaînes de télé, à cause des journaux en tout genre qui disent tous la même chose et qui nous mentent. Alors, plus 28,57% pour la viande. Plus 20,36% pour les pâtes, plus 19,35% pour l'huile, plus 17,92% pour le papier toilette, plus 16,56% pour le beurre, la margarine et la crème fraîche, plus 14,86% pour les œufs, plus 14,24% pour les légumes, etc., etc. Hein, voilà une société qui est malade, mais alors malade à en crever, et elle en crèvera. Alors, moi, pendant ce temps-là, plus 2,5%. Pourquoi donc? Eh ben pour les salaires, moi. Ah, vous avez bien voté. Eh ben voilà, vous êtes récompensé maintenant. Le refus de la misère, c'est l'affaire de tous, et c'est tous les jours, dit-on à Neuchâtel, dans le journal Vosges Matin du mardi 25 octobre 2022. Alors, le sport, une arme d'influence. Une arme d'influence. Mardi 25 octobre 2022 aussi. Le sport, une arme d'influence. Non. Eh ben tiens, sur la route du Qatar, hein. Oui. Macron-Mélanie, un tandem qui peut fonctionner, point d'interrogation. Emmanuel Macron est dimanche et lundi à Rome pour les journées de Sant'Egizio. Il rencontre le pape François, le président Mattarella et peut-être Giorgia Meloni, nouvelle première ministre issue de l'extrême droite. De l'extrême droite, tiens, 2022, l'extrême droite arrive au pouvoir en Italie et en 1922, c'était déjà le cas. Ouais, vous voyez, le cycle d'un siècle, c'est un cycle, ben voilà, hein, ben oui, séculaire. Qu'on ne peut pas éviter, qu'on ne peut pas... Non, ben voilà, c'est comme ça. Et on a fait le tour complet, on revient à la case départ. Ah oui, on a l'impression d'avancer. Oui, mais on repasse toujours au même point de départ. Voilà, alors... Chine, Taïwan, une guerre possible, point d'interrogation. Se demande certains souhaitent, certains. France travaille. Deux points. Coup de com ou refondation de Pôle emploi. France travaille. Et le chômage. Hein? Et le chômage. Si on prenait chaque semaine un député, un sénateur, un journaliste, qu'on les fout au chômage pendant 5 ans, à toucher le RSA, je pense que la société française commencerait à bouger. Oui. Première semaine, non. Deuxième semaine, ça commencera à bouger un peu. Puis la troisième semaine, eh ben, il se produirait des miracles. Des miracles. Alors, vous voyez, un député, un sénateur, un journaliste, un banquier, allez. Au chômage, au RSA. Allez, allez. Il faut qu'ils y goûtent aussi à ces choses-là, ces gens-là. Et ils utilisent ça, eh bien, on peut l'utiliser contre eux aussi, peut-être. Plombière les bains, terme, des traces de matière fécale dans les analyses d'eau. C'est pas moi qui l'invente, c'est Vosges Matin du dimanche 23 octobre 2022. Alors, non seulement les dernières analyses des eaux de Plombières les Bains viennent de révéler encore des traces de légionellose, mais aussi une autre contamination bactérienne de la matière fécale. Un acte de malveillance, point d'interrogation. Le groupe AVEC, propriétaire, s'interroge. Et si ça avait un rapport avec la fermeture du collège du Val d'Ajol? Hein? Ah, la politique, des fois, c'est compliqué. Oh, mais oui, on serait étonnés, nous autres électeurs, si on savait tout. Oh, et les collèges du Val d'Ajol, de Plombières, ça n'a rien à voir avec les eaux et les matières fécales. Mais non, c'est aucun rapport. Aucun rapport. Aucun rapport. La chasse à l'évasion fiscale, relancée. La députée Charlotte Leduc, LFI, la France insoumise de Moselle, présente ce lundi la première mouture de son rapport sur l'évasion fiscale. L'évasion fiscale. Faut les attraper, les pourris, et les mettre en tôle. Non, il faut les mettre au travail. Vous voyez, vous, un monsieur bien, qui passe devant chez vous le matin, avec une troupe accompagnée, évidemment, surveillée, costard, cravate, et puis belles chaussures, et une pelle ou une pioche sur l'épaule, pour aller au travail, aller faire du terrassement, et tout ça payé au SMIC, hein, ah oui, au RSA, l'élite, on met l'élite au RSA, oh, ça serait bien, hein, ça serait beau, mais on serait content quand même, ça guérirait pas la société, non, mais ça, bon, voilà, ça ferait plaisir à certains. La chasse à l'évasion fiscale relancée, la députée Charlotte Leduc et les filles, donc la France insoumise de Moselle, présente ce lundi la première mouture de son rapport sur l'évasion fiscale. Parmi les mesures proposées, des rémunérations plus attractives pour les agents du fisc et la taxation à 25% des bénéfices de toutes les entreprises. Ah oui, les agents du fisc, ils pourraient par exemple toucher un pourcentage, une prime, hein, une prime au résultat. Oui, tous ceux qui planquent de l'argent en Suisse, au Luxembourg ou ailleurs, de l'argent qui a été volé aux salariés, parce que c'est ça, hein, les salariés sont faits pour être... hein, ben oui, on leur fait les poches au bénéfice des actionnaires. Hein. Grand Est, les cybergendarmes de Metz traquent les délinquants du net, N-E-T. Les infractions commises sur la toile sont de plus en plus nombreuses. Escroquerie, pédopornographie, trafics illicites ou encore rançongiciel, RANCCIONGICIELS. Il faut chercher dans Larousse, hein, il y a 2 ou 3 ans, rançongiciel, c'est sûrement marqué. Hein. Ah oui, unique, mais les journalistes n'utiliseraient pas des mots qui ne seraient pas français quand même. Hein. Ah ben non, hein. La cellule dédiée à la cybercriminalité de la section de recherche de Metz compte 8 enquêteurs N-TECH. Le groupe cyber de la section de recherche de Metz œuvre contre les rançongiciels, une attaque qui crypte les données de l'ordinateur et qui enjoint la victime à payer pour le débloquer. Eh oui, la délinquance, elle fait des progrès. Les politiques font pas de progrès. Mais par contre, les délinquants, si. Alors, les politiques font des progrès, ça dépend des domaines. Hein. Un match de football suspendu après des cris de singes et des insultes. Oh. Alors, Vosges, François Vincent, contrôlé à 1,6 g d'alcool par litre de sang. C'est le mardi 25 octobre 2022. François Vincent conteste toujours le refus d'obtempérer qui lui est reproché, qui a pris attache auprès et a pris attache auprès d'un avocat. Voilà. Hein? Oui. Eh oui, si c'est un chômeur qui fait ça, hein? Ah oui, avec les chômeurs et puis les députés, ils n'ont pas les mêmes droits. Et puis les sénateurs et puis les présidents de commissions départementales, départementaux, de gouvernements départementaux. Comment on appelle ça déjà? Je ne sais plus. À 19 ans, il a aidé une mineure à se prostituer. 2 ans de prison. Voilà, un individu. Au tribunal d'Épinal. Ouais. Le tribunal d'Épinal a condamné ce mardi un homme de 24 ans, 2 ans, pour avoir fourni un appartement sur Épinal à une mineure qui se prostituait, avec qui il échangeait les rendez-vous. Par ailleurs, le proxénète purge déjà une peine de 10 ans de prison pour des faits différents. Bon, alors, tiens, là, sur la même page, juste à côté, est-ce que c'est un hasard? Hein, la mise en page, c'est pas facile, hein. Eh oui, vous avez des articles à caser dans une page, la page fait un certain format, l'article fait un certain format, les articles font un certain format chacun, ben il faut les caser là où on peut, là où il y a de la place. Alors à côté de la mineure qui se prostitue là, eh bien il y a Vosges, François Vincent interpellé pour alcool au volant, interpellé ce samedi à Saint-Nabor pour les gendarmes sur la RN57, positif à l'alcool, soupçonné d'avoir refusé de s'arrêter, le président du conseil départemental conteste les faits. Le parquet confirme qu'une enquête est en cours. Ben moi je dis c'est parfaitement injuste. Parce que François Vincent, pendant 20 ans et davantage, il a fait tout ce qu'il a pu, pour lutter contre le chômage. Hein? Et oui, grâce à lui, plein de gens, plein de chômeurs qui étaient au chômage, ont pu trouver du travail. Ben oui, les élus, faut pas croire, hein, les élus, ils sont très, très, très, très, très utiles. Ah oui, on les paye cher, mais ils sont très utiles. Voilà, hein, et oui. Vous me croyez pas? Oh, vous êtes peut-être pas de bonne foi quand même.